De travers, toi, toi, mon tout, mon moi, toi, mon toi, mon tout, mon moi. Fais le premier pas. tout de travers. Premier pas. Create open follow you. Thank you. Évolution. de la race humaine. À travers nos paradoxes, difficultés, complexités, nous sommes ici et maintenant, force. La seule solution qui nous reste, s'accaparer des guitares, des batteries, des claviers, des micros. Without you, we make sound, poetry, we push with force, presence, sound, yeah, we push. Mandela. Leon, come on. We need a keyboard. We need when that. Thank you.

Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Proposons, nous suivrons. Soyons désinvoltes, allons-y, gaiement, n'ayons peur de rien. Soyons désinvoltes. Soyons désinvoltes. Comme Arthur Rimbaud. No wait, no hope, no fear. Push your force. Present for. Give it now. Give it now. Pas d'autre solution. À nos amis, pas si nombreux, nos vrais amis, nos frères, nos sœurs, tellement nombreux, on peut plus voir, qu'on veut plus voir, nombreux, éparpillés sur la planète. Il y en a plein. À l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, même dans un garage. La fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. Le moment propice, qui cherche des complices, à ceux qui désertent, à ceux qui tiennent bon, ceux qui s'organisent. À nos amis. travaille demain comme moi. listening. Thank you.